Le CNRS sera impitoyable avec les tricheurs. C'est la promesse faite par son président, Antoine Petit, en annonçant un nouveau plan d'action contre les auteurs de fraudes scientifiques. Ces chercheurs qui truquent leurs données, embellissent leurs graphiques, inventent leurs résultats. Ils ont défrayé la chronique lors de récents scandales qui menacent la confiance que l'on peut avoir en la science. Ces affaires, qui touchent particulièrement les sciences du vivant, interrogent. Y a-t-il quelque chose de pourri dans le royaume de la biologie ? Fraude scientifique, biologie, le maillon faible ? C'est la question de confiance que nous explorerons dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour parler, pour définir de la méconduite scientifique et les actions à entreprendre pour préserver la confiance entre le public et les scientifiques, nous recevons aujourd'hui deux invités. Pierre Corvol, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et chercheur en biologie, professeur émérite au Collège de France. Vous êtes également l'auteur du rapport sur l'intégrité scientifique remis en 2016 à Thierry Mambon, qui était alors secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, sous la présidence de François Hollande. Nous sommes également en compagnie de David Larousserie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, docteur en physique et polytechnicien. Alors, comme chaque jour, cette émission est à suivre en direct sur les ondes de France Culture. Mais si vous n'êtes pas à 16h derrière votre poste, pas de problème, puisque vous pouvez écouter l'émission en replay sur le site de France Culture, franceculture.fr, ou bien en podcast en utilisant votre appli préférée. Et les adeptes des réseaux sociaux, les tweetos, ne doivent pas oublier que la méthode scientifique est aussi sur Twitter, sur le fil @laméthodefc. Pendant toute l'heure qui vient, nous publierons les liens, des articles, des photos, toutes les sources qui vont bien pour continuer d'explorer le thème d'aujourd'hui. Alors, pour commencer cette émission, j'aimerais avec vous commencer par une forme de définition. On parle ici d'intégrité scientifique, mais finalement, qu'est-ce que c'est l'intégrité scientifique ? Et on a peut-être tendance facilement à confondre cela avec l'éthique. C'est sans doute une erreur à ne pas commettre. Pierre Corvol. Vous avez très bien situé le débat, oui. Effectivement, il faut bien distinguer les deux choses. L'intégrité scientifique, c'est la pratique de la recherche qui doit se faire de façon intègre. Cette pratique de la recherche aboutit à produire des résultats qui, là aussi, doivent être explicités de façon intègre. Ces résultats doivent être ensuite diffusés, toujours de façon intègre. Tandis que l'éthique, c'est plus complexe. Ce sont finalement les questions que la société se pose devant des progrès technologiques qui l'amènent à prendre une position. Et on connaît bien, naturellement, avec la révision des lois de bioéthique, par exemple, les enjeux que ceci comporte. Voilà, je pensais aux nanotechnologies aussi. On voit de temps en temps, enfin très régulièrement, sur la place publique, l'éclosion de débats sur telle ou telle technologie. Faut-il y aller, faut-il pas y aller? Là, on est dans le domaine de l'éthique et c'est pas le sujet du jour, quoi, finalement. Voilà, exactement. L'éthique, ça se discute, tandis que l'intégrité scientifique, ça ne se discute pas. Les nanotechnologies, si elles sont correctement rapportées, elles peuvent faire l'objet d'un débat éthique, mais on ne va pas remettre en cause, je dirais, les conditions et la manière dont elles ont été publiées, si elles ont été publiées de façon correcte. Donc il y a vraiment deux choses là bien différentes à distinguer. David Larousserie, sur cette définition de l'intégrité scientifique. Oui, bah je ne peux qu'aller dans le même sens. Mais il y a une question qui se pose aux journalistes et à la diffusion dans le grand public de ces messages, c'est quel mot on utilise, parce qu'on sent bien que atteinte à l'intégrité scientifique est quelque chose d'un petit peu complexe. On aurait bien envie de l'appeler fraude, mais ce mot est très vite connoté, très négatif, et on imagine tout de suite un chercheur ayant inventé complètement des résultats, ce qui existe, mais ça ne recouvre pas tout le champ des atteintes à l'intégrité scientifique. Alors on va dire inconduite scientifique, méconduite, malhonnêteté, tricherie. Cette ambiguïté sur les mots peut parfois avoir de mauvaises conséquences, d'accuser quelqu'un d'avoir fait une faute énorme alors qu'en fait c'est une faute mais d'un niveau moindre. Et donc il faut aussi jongler avec ces mots, ce qui complique parfois l'exposé des faits ou des révélations. Alors, c'est vrai que le terme qu'on voit le plus souvent, c'est peut-être celui de méconduite scientifique, c'est peut-être celui que je vais utiliser le plus souvent aujourd'hui. Mais à l'intérieur de ces actes de méconduite scientifique, comme vous le disiez à l'instant, David Larousserie, on peut voir différentes typologies d'actions. Il y a la fraude, il y a la falsification, l'invention pure et simple. Comment les décrire? Il faudrait presque les prendre une à une. Oui, alors traditionnellement, dans les atteintes les plus graves, on met le plagiat. Donc là, je pense que tout le monde peut comprendre ce que c'est. Et évidemment, c'est quelque chose de très grave. Il y a aussi très grave la fabrication des résultats. Donc, par exemple, on invente des résultats d'enquêtes sociologiques ou psychologiques, ou on peut aussi inventer des résultats de physique, par exemple. Dans ce cas-là, le scientifique n'a carrément pas fait d'expérience. Voilà, et donc il met les points sur la courbe qu'il pense être correcte ou attendue. Et puis vous avez la falsification, où là on a des expériences et des résultats et des données, mais on va un petit peu les arranger pour qu'elles collent à des hypothèses, à des théories. Et ce n'est pas tout, parce qu'ensuite on a des atteintes moins graves, mais qui touchent à l'intégrité et à la confiance dans les résultats. Et la plupart des dernières affaires en France en biologie sont plutôt de ce registre-là, de embellir une figure en effaçant un bruit de fond qu'on trouve pas très joli, en utilisant certaines informations provenant d'autres expériences parce que les refaire auraient pris trop de temps ou parce que coûtaient trop cher ou trop de matériel, et on ne va pas indiquer au lecteur que on a dans la figure enlever certaines informations parce qu'elles n'étaient pas pertinentes, mais ça peut le fait de ne pas le dire peut peut-être vouloir signifier qu'on a voulu cacher quelque chose. En fait, la typologie est très grande, et j'oubliais aussi en fait ce qui fournit beaucoup de travaux aux personnes en charge de l'intégrité scientifique, c'est les problèmes de signature. Alors les signatures dans un article, c'est très important. Oui, c'est très codifié, la signature d'un papier tel qu'il paraît dans la presse scientifique. On a un petit peu de tout. On a des auteurs qui sont signataires mais qui n'ont rien fait. On a des auteurs qui ont fait beaucoup mais qui n'apparaissent pas. Selon qu'on est en début ou en fin de liste des signataires. Oui, bien sûr. Alors, donc ça, c'est en fait des choses qui sont donc qui relèvent de l'intégrité scientifique, mais qui sont aussi très très humaines et pas faciles à gérer humainement, diplomatiquement, dans une équipe, mais aussi en cas de conflit. Donc voilà un panorama un peu rapide de la situation, de ce qui est possible, enfin ce qu'il ne faut pas faire dans les laboratoires. J'aimerais qu'on revienne un instant sur la question des images falsifiées, parce que évidemment il ne faut pas croire que c'est comme dans ces jeux pour enfants, repérer les 7 erreurs entre deux images différentes. Quand on regarde un graphique, une figure en biologie par exemple, sur de l'analyse moléculaire, détecter la fraude, c'est extrêmement complexe, Pierre Corvol. Ah oui, il faut vraiment faire un travail minutieux. Un travail d'ailleurs que les reviewers, les référés ne font pas toujours parce qu'ils n'ont pas le temps. On leur demande Peut-être dire justement à ce moment-là, ces fameux reviewers, ce sont ceux qui sont quand même censés lire, valider ces papiers avant qu'ils ne soient publiés. Oui, mais si vous prenez un papier en biologie, à l'heure actuelle, il peut y avoir un papier qui va comporter une dizaine d'auteurs, c'est à peu près la moyenne à l'heure actuelle, des bons papiers de biologie, qui vont impliquer quelquefois 4-5 laboratoires différents, avec des techniques très variées. L'éditeur, celui qui va distribuer le papier aux reviewers, va le faire à 2-3 reviewers. 3, c'est déjà pas obligatoirement la règle. Eh bien, ces 3 personnes vont passer, mettons, 2 ou 3 jours complètes à travailler, chacune d'entre elles. Mais chacune dans sa spécialité. Il va pas y avoir obligatoirement, ça dépend des journaux, de correspondances et de réflexions croisées entre ces différents référés. Et pour arriver à couvrir le spectre complet d'un papier complexe en biologie, c'est extrêmement difficile. Et moi, là, je trouve qu'on est à un point clé qui n'est pas abordé à l'heure actuelle correctement, sans compter que tout ce travail est fait bénévolement. En fait, il n'est pas fait bénévolement. C'est vous qui le payez comme moi, c'est-à-dire vos impôts, ou en tout cas, quand on fait de la recherche publique, eh bien, le temps donné de notre recherche publique à reviewer pour des journaux qui sont des journaux privés, si je puis dire, c'est quand même de l'argent qui est en quelque sorte dévié. Bref, je pense qu'il y a un vrai problème là. Et donc, donc c'est un problème de méthodologie dans la validation des papiers par les éditeurs. Absolument. Moi, c'est ce que c'est. On n'en parle pas suffisamment. Donc, j'aborde ce problème parce que vraiment, ça me semble absolument essentiel. À l'heure actuelle, il y a, par ailleurs, il faut bien voir des logiciels anti-plagiat, bien sûr, pratiquement tous les masters. En tout cas, tous les M2, et maintenant de plus en plus pour les M1, voire pour la licence, tous les écrits, les diplômes, les rapports, etc., sont soumis à ces logiciels anti-plagiat. Oui, je crois qu'il y en a Scanplag, je crois. Oui, il y en a plusieurs. Le Compilation est le plus connu, puis il y en a d'autres qui sont on aussi utilisés. On passe le papier à la machine et voilà, on voit qu'est-ce qui a été le pourcentage qui pose d'ailleurs des problèmes, parce que quand vous faites un papier, vous avez quand même une certaine redondance dans votre introduction. Quand c'est votre propre papier que vous citez, c'est l'autoplagiat. Enfin bref, on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que c'est un problème. Mais il y a aussi maintenant des logiciels sophistiqués pour repérer les images qui peuvent être frauduleuses sur les backgrounds, etc. Et finalement, c'est un sujet important parce que dans le repérage des fraudes à l'heure actuelle, notamment en biologie, puisque je vois bien que vous avez centré votre Absolument. Propos sur la biologie, on a des outils qui sont un peu spéciaux là pour la biologie. Voilà. On peut repérer si il y a eu, comme le disait à l'instant David Larousserie, manipulation d'image, grossière ou pas. On rentre réellement dans le grain fin de l'image. Donc vous voyez, c'est un sujet relativement complexe pour l'analyse des papiers à l'heure actuelle. La méthode scientifique, Olivier Lascar. À 16h12 sur France Culture, vous êtes bien à l'écoute de la méthode scientifique. Nous sommes avec David Larousserie et Pierre Corvol pour parler des cas de méconduite scientifique qui ont éclos dans la science française ces dernières années. Tant et si bien que en 2016, Pierre Corvol, on vous a demandé de bien vouloir travailler sur cette question et vous avez écrit un rapport qui a été remis à Thierry Mandon, qui était alors secrétaire d'État à la recherche et à l'enseignement supérieur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce travail, dans quel cadre il a été accompli? Pourquoi vous, Pierre Corvol? Pourquoi moi? Je me pose encore la question, d'ailleurs, quand je vois le travail que ça m'a demandé, et surtout celui qui me tombe sur les épaules. En fait, je venais de prendre ma retraite comme administrateur du Collège de France, et j'avais des bons amis qui étaient sensibles à cette question-là, notamment la conférence des présidents d'université. Et donc, ils ont pensé qu'il était important de prendre en main ce dossier. Comme je n'avais pas d'occupation, j'ai volontiers accepté de travailler ce sujet qui était tout à fait nouveau pour moi. Et j'ai vu l'ampleur du travail à réaliser. J'ai été très intéressé de développer ce rapport avec Rémi Gicquel, qui est un inspecteur général de l'administration de la recherche et l'enseignement supérieur. Ça m'a amené à discuter avec mes collègues à Bruxelles, voir Carlos Moedas, le président de la Commission européenne pour ce qui concerne la recherche, et d'aller aux États-Unis et discuter avec mes collègues canadiens, puisque la France n'est pas très en avance ou n'était pas très en avance sur ce sujet-là. Il était donc important d'avoir une vue internationale et aussi de mettre la France, je dirais, dans les rails qui l'amèneraient à une meilleure intégrité scientifique. Il y avait du travail et je trouve que c'est très important parce que en 2015, il y avait quand même une signature de la charte de déontologie des métiers de la recherche qui avait été faite par 8 institutions, dont la conférence des présidents d'université, l'INSERM, le CNRS, etc. Et en fait, mon rapport s'intitule mise en œuvre, J'ai le titre. Bilan et proposition de mise en œuvre de la charte nationale d'intégrité scientifique. Voilà. Rapport Corvol, ça va plus vite. Voilà, exactement. Mais on pourrait, oui, c'est vrai. Mais donc, c'était vraiment pour voir qu'est-ce qui avait été fait à la suite de cela. Mais ça se mettait en place. Alors moi, je vous donnerai tout de suite mon point de vue, vraiment objectif, hein, je crois. Il me semble qu'en à peine deux ans, parce que la lettre circulaire de Thierry Monod qu'il a produite juste avant de partir avec le gouvernement précédent, ça date de juin 2017. Donc, si vous voulez, en 18 mois, moi, je peux apprécier le travail qui a été fait. Alors, il y en a encore beaucoup à faire. Alors, on va ça, c'est expliciter sûr. Ça par la suite de, dans la suite de l'émission. David Larousserie, avant le rapport Corvol, la question des conduites à entreprendre face au cas de méconduite scientifique en France, c'était un peu laissé en jachère? Oui, il faut rappeler un fait qui est que avant le rapport Corvol, il y en avait eu d'autres, et notamment un qui témoigne un peu du malaise que ces questions posent. Un rapport qu'avait fait pour le ministère, je crois, Monsieur Alix, un rapport qui est donc trouvable aujourd'hui, mais pas sur le site officiel, et qui n'avait eu aucune conséquence en termes de rapport enterré. Bon, voilà, on peut dire. Contrairement, on voit a fortiori aujourd'hui le contraste, puisque là, effectivement, il y a eu des réalisations. Mais en tout cas, donc ça témoigne que cette question-là en France était problématique. Après, même si évidemment dans la lettre de mission, il n'était pas fait explicitement référence à certaines histoires, il y avait des événements particuliers qui faisaient que peut-être il devenait un petit peu nécessaire de faire ça. Et sinon, même s'il n'y avait pas d'actualité, la comparaison internationale faisait que vraiment la France apparaissait effectivement en retard, et particulièrement le CNRS, puisque l'INSERM, par exemple, avait déjà des référents intégrité, un historique, des pratiques, etc., que n'avait pas le CNRS. Je parle du CNRS parce que c'est le plus gros organisme de recherche, en plus interdisciplinaire, etc. Et donc, c'est pas facile, hein, ces questions-là. Ouais. Alors, le climat a été un peu lourd et depuis de nombreuses années, on va le voir en écoutant une archive qui date de 1987, où on va entendre le philosophe et psychanalyste Roger Dadoun au micro de France Culture pour l'émission Panorama, et il parle de la fraude scientifique. La fraude scientifique fait partie structurellement de la recherche scientifique. Tout individu qui mène une recherche scientifique est appelé d'une manière ou d'une autre à frauder. Et alors, au point que, à mon avis, le travail de recherche ne consiste pas tant dans une procédure de type expérimental ou matériel, ou dans une procédure de type intellectuel, mais je dirais dans une procédure de type éthique. Faire de la recherche, c'est fondamentalement lutter contre la fraude à l'intérieur de soi-même. Fraude qui, d'une part, fait partie de la structure du sujet, parce qu'il veut arriver, il veut bien se placer dans le monde scientifique. Il a l'impression qu'il touche la vérité, qu'un petit coup de pouce permettrait d'y parvenir. Et on a de nombreux exemples. Mmh. Et par ailleurs, on appelle l'amélioration des résultats. L'amélioration des résultats, oui. Qui elle-même d'ailleurs est confortée par la structure même de la communauté scientifique, et c'est ça le plus important. Il y a une structure de la réalité scientifique, institutionnelle notamment, sous la forme des hiérarchies universitaires, des institutions de recherche. Des pressions carriéristes. Des pressions carriéristes, des subventions gouvernementales, des subventions données par le patronat, etc. Qui fait que vraiment, éviter une fraude, c'est un acte de suprême courage, et je ne suis pas sûr que tous les chercheurs y parviennent. Éviter une fraude, c'est un acte d'un suprême courage. Pierre Corvol, une réaction, il y va fort. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Pour avoir quand même conduit un laboratoire de recherche pendant presque 50 ans, je ne peux pas accepter ces mots-là. C'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai avec les gens avec lesquels j'ai travaillé. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des tentations. Alors là, ça, je ne le nie pas. Bien sûr, il y a un moment donné, on se dit, on va supprimer ce point-là, on va lisser, entre guillemets, la courbe, etc. Il y a des tentations. Certains y succombent. C'est vrai aussi. Mais enfin, dire que c'est un acte de courage suprême, ça me semble surprenant. Il faut quand même peser les mots qu'on utilise. Moi, c'est toujours un petit peu fort d'utiliser le mot fraude, une fraude sur laquelle on lutte soi-même. Bon, alors peut-être que c'est vrai en philosophie, mais c'est pas vrai en biologie, tous les jours en tout cas. Oui, David Larousserie parlait dès le début de l'émission de ce terme de fraude qui est difficile à utiliser. David, vous voulez réagir à cet extrait sonore? Oui, je comprends pas non plus exactement ce qui le motive à décrire la méthode scientifique de cette façon-là. Et en tout cas, si on le suit, on voit pas trop, du coup, le combat est perdu d'avance, là, si ça repose essentiellement sur sur l'humain et tout ça, ça va pas. Alors que les guides, les pratiques, les méthodes permettent de s'entendre sur ce qu'il est permis de faire et pas permis de faire, de bien les diffuser, de bien les reproduire et d'avoir confiance dans les résultats. Donc je suis comme M. Corbol, je ne comprends pas bien. Alors les méthodes, les actions positives à entreprendre pour travailler correctement, elles sont mises en œuvre notamment à l'issue du travail que vous avez fait, Pierre Corbol, avec ce rapport. Et ce travail, on l'a dit, intervient dans un contexte qui est un peu lourd et qui a été marqué par des affaires de méconduite scientifique dans la biologie française. Il y a une trilogie récente qui commence avec une affaire qui est associée au nom d'Olivier Voynet. David Larousserie, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Olivier Voynet? C'est un wonder boy de la biologie française, spécialiste de l'ARN. Oui, alors un biologiste qui est recruté au CNRS assez vite, qui est récompensé d'une médaille d'argent assez vite. Il travaille à Strasbourg après avoir fait sa thèse en Angleterre, et puis il va être ensuite en détachement en Suisse. Et c'est à ce moment-là qu'il est accusé sur un site qui deviendra rapidement célèbre en France, qui s'appelle PubPeer, accusé sur ce site que dans certaines des figures d'articles qu'il a co-signés se trouvent des erreurs, des tricheries, des malhonnêtetés dans la présentation des résultats. Et ça va être le déclenchement d'une première affaire, et qui sera intéressante d'une part sur lui-même pour comprendre ce qui s'est passé dans son laboratoire, mais qui va être aussi très intéressante pour comprendre comment un système réagit au problème. Alors comment le système a réagi? Et alors en plus c'était presque un beau cas d'école, puisque il y avait deux institutions, une en Suisse et une en France, donc on pouvait comparer. Donc d'un côté le CNRS, de l'autre l'école polytechnique de Zurich. Voilà. Donc on pouvait aussi comparer comment les enquêtes allaient avoir lieu, comment les communications allaient avoir lieu. Et donc c'était très bien pour la pédagogie autour de ces questions. Et donc assez vite tout a un petit peu déraillé en la matière, et on en mesure encore les conséquences aujourd'hui, puisque finalement 3 ans plus tard le CNRS a essayé de clarifier une procédure pour bien régler ses affaires, et elle a dû répondre au point noir révélé par cette histoire. Donc l'histoire elle-même est assez longue et compliquée. Est-ce qu'elle est close? Elle n'est pas close, et quelque part vous avez utilisé le terme de trilogie, mais justement le dernier épisode montre qu'il y a une quatrième personne, c'est-à-dire que un des collaborateurs de Monsieur Voynet, donc Patrice Dunoyer, qui travaillait à Strasbourg, a lui aussi été sanctionné lors de la première affaire, mais également lors de la seconde. Il y a une affaire en 2015 ouais. Sur un certain nombre de publications qui sont accusés de porter des graphiques qui ont été modifiés. Et il y a une affaire en 2000, plus récente, en 2018, oui, qui pose sur les correctifs de ces publications. Disons que dans le détail, c'est un peu plus compliqué, mais c'est présenté comme une nouvelle enquête qui porte sur 5 articles seulement. Et la conclusion des experts, c'est là aussi, c'était... cette fois, c'était pas séparé entre Zurich et le CNRS, mais c'était une enquête conjointe. Enfin, toujours est-il que les conclusions, c'est que Monsieur Voynet n'est pas responsable des nouvelles fautes trouvées, alors que Monsieur Dunoyer est plus sanctionné. Donc finalement, se trouvait un quatrième biologiste. Mais si on veut regarder dans le détail, en réalité, l'enquête montre qu'il y a bien une cinquième personne, donc qu'on ne nommera pas, mais qui a aussi été coupable de malhonnêteté dans la présentation. Et pourquoi on la nomme pas? Pourquoi on ne pas? Parce que le rapport étant confidentiel, et la personne n'ayant même pas été prévenue par son employeur des conclusions de l'enquête, ça serait quand même pas très déontologique de révéler son nom. Mais donc, la deuxième raison, au moins pour laquelle ça n'est pas terminé, c'est que une des questions soulevées par la fraude, c'est que il y a des erreurs dans les articles, on doit les corriger, ou les rétracter. Donc c'est les éditeurs qui prennent ces décisions-là, de manière à ce que le lecteur puisse être au courant de la confiance qu'il doit accorder au résultat. Alors, du côté d'Olivier Voynet, il y a plus de 25 articles qui sont concernés, 8 sont rétractés et les autres sont corrigés. Mais quand on voit les erreurs attribuées à Monsieur Dunoyer, on peut s'étonner que faudrait-il regarder toute la production de Monsieur Dunoyer pour voir s'il n'y a pas aussi des problèmes. Et donc dans ce sens, elle n'est pas tout à fait close parce qu'il y a une incertitude là sur la confiance à accorder dans ces résultats. Ensuite, cette histoire a aussi révélé que dans le laboratoire de Strasbourg où Monsieur Voynet a commencé sa carrière française, eh bien, sur Peupire, beaucoup d'articles de chercheurs qui n'ont rien à voir avec Monsieur Voynet se retrouvent aussi mis en cause. Alors, est-ce que c'est des dénonciations malhonnêtes pour nuire aux chercheurs ou est-ce que c'est justifié? On n'en sait rien. Un mot peut-être sur Peupire, ça fait plusieurs fois que vous le citez, on en parle souvent à la méthode scientifique. Peupire, c'est un site qui a été créé il y a quelques années pour mettre sur la place publique des présomptions de méconduite scientifique, justement. Non, à l'origine, c'est pas ça. Il se présente comme un journal club électronique. Donc, un journal club dans un laboratoire, c'est une réunion où les chercheurs regardent ce qui a été publié et ailleurs et disent, ça c'est un bon article, ça c'est nul, ou etc. Donc, c'est un forum de discussion. Donc, Peupire était construit comme ça pour on appelle ça du reviewing après publication. La particularité, c'est que on pouvait poster anonymement ses commentaires. L'autre particularité qui est souvent oubliée, c'est que ces commentaires doivent être justifiés, c'est-à-dire que le lecteur doit pouvoir vérifier l'information, un peu comme sur Wikipédia. C'est-à-dire que si on dit que l'image est fausse, on doit pouvoir montrer l'image réelle et indiquer que ce qui ne va pas. Si on dit qu'une équation n'est pas correcte, il faut aussi poser l'équation et dire pourquoi elle est pas correcte. On dit pas juste ce travail ne vaut rien, etc. Et assez vite, ce site est aussi devenu un endroit pour lancer des alertes où les gens anonymement ou publiquement sous leur nom pouvaient dire là je trouve que ces figures sont malhonnêtes, il y a un copier-coller suspect, il y a des morceaux de figures qu'on retrouve dans d'autres articles, ce qui est malhonnête. Et ça a révélé beaucoup d'affaires, donc le cas français mais également à l'étranger, et des articles ont été rétractés et parfois des articles important. Et donc il contribue à l'assainissement de la situation. Mais en France, il y a une sorte de traumatisme avec ce site, puisque certains considèrent que c'est de la délation pure et simple, que c'est pas une bonne pratique et qu'il faut surtout pas le regarder. Et le CNRS, par la voix de son président, à votre micro d'ailleurs, en mars dernier, avait comparé ça à des accusations de pédophilie. Et dans la présentation du nouveau plan CNRS, monsieur Antoine Petit, le directeur du CNRS, a à nouveau dit que Peupire ne comptait pas pour lancer les alertes. Et... On va en reparler ça dans la deuxième partie de l'émission. Monsieur Corvol, sur Peupire, un commentaire? C'est un outil utile ou il faut mieux l'éviter? Je partage le point de vue général de la communauté qui regrette beaucoup que Peupire ait permis des dénonciations anonymes. C'est pas toujours le cas d'ailleurs. Un certain nombre des dénonciations, ou du moins des allégations qui ont été portées par des gens qui se sont identifiés. Mais c'était pas l'idée initiale, effectivement, comme vient de le dire David Larousserie, de Brandon Steele et de Maurice Barmore, qui ont créé, au fond, ce site pour pouvoir continuer la discussion après un article. Ce qui est intéressant, c'est que on reprend un peu la même chose à l'heure actuelle avec la possibilité, en tout cas, couvre ce qu'on appelle la science ouverte. C'est-à-dire que un article qui va être déposé dans des entrepôts de données avant qu'il ne soit publié permet une discussion ouverte avec une communauté. Alors c'est peut-être plus facile dans certaines communautés que dans d'autres qui se sont portées assez rapidement sur ces entrepôts de données par rapport notamment aux biologistes. Mais je pense que c'est comme, enfin, une science, ça se discute. Et donc pierre a peut-être été déviée par rapport à la mission initiale. Voilà ce que je peux dire. Si je peux rajouter une chose sur l'histoire de Voynet, qui n'est pas terminée, bien sûr, quand même une chose qui est intéressante, c'est que finalement, ce qu'a trouvé Voynet, il faut pas l'oublier quand même, ce qu'a trouvé Voynet est extrêmement important. Et ça demeure. Oui, et même les papiers qui ont été rétractés de Voynet parce que manipulés, très bien, sont cités, et sont même cités largement depuis que ces papiers ont été rétractés. Mais comment un papier qui a été rétracté a toujours valeur à être... On a gardé les citations anciennes, si vous voulez, mais la possibilité d'y faire référence. En tout cas, le fait que chez les plantes et maintenant chez les animaux et chez l'homme, il puisse y avoir une régulation de l'expression des gènes par des ARN qui vont bloquer l'expression ou la moduler, c'est une découverte absolument fondamentale qui lui a valu une notoriété. Mais la base de ce qu'il a découvert reste authentique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est toujours en recherche à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Alors, il faudrait pas penser justement que Voynet est le seul à devoir porter ce fardeau de suspicion de méconduite scientifique. Il y a d'autres personnalités de la science. Il y a eu le cas d'Anne Perroche récemment, et Pierre Corbol, vous avez été appelé à statuer, à réfléchir sur un certain nombre de ces publications à la demande du CEA pour juger justement du degré d'inexactitude de certains des éléments qu'il y avait dans ces papiers. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce travail? Oui, volontiers. C'est parce que cela montrera la difficulté. Il faut préciser qu'Anne Perroche était la présidente par intérim du CNRS au moment où l'affaire éclate, et elle éclate via PubPeer. Voilà, et avec quelqu'un qui s'identifie, Leonid Schneider, qui dit voilà, je pense qu'il y a eu des manipulations d'images, et à ce moment-là. Se pose la question comment on va explorer cela. Et dans un premier temps, le CEA a demandé à 4 experts, de façon complètement séparée et sans que je sache d'ailleurs même à l'heure actuelle quels sont les 3 autres experts, a demandé de faire une évaluation. Moi, c'est pas mon sujet de recherche. Et j'ai dit que je le voulais bien pour aider le CEA au moins à savoir si oui ou non il y avait lieu d'explorer plus avant, si vous voulez, la suspicion de méconduite scientifique qui était portée. Et donc là, en ayant les documents sources qui m'ont été fournis, comme mes 3 autres collègues d'ailleurs, nous avons été unanimes à dire « oui, il y a problème ». Moi, je me suis arrêté là. Je veux dire que après, nous en avons discuté et la suggestion qui a été faite, en tout cas, la suggestion que j'ai faite auprès du CEA, c'était d'organiser cette fois-ci un comité d'experts bien choisis, certains appartenant à l'Académie des sciences et une n'appartenant pas à l'Académie des sciences, mais qui sont vraiment dans le domaine et qui ont passé un temps mais considérable. Chacun d'entre eux m'a dit que pratiquement ils avaient passé plusieurs semaines. Étant donné l'importance, si vous voulez, de la personne considérée, il était absolument essentiel d'avoir une étude réellement approfondie. David Larousserie, sur le cas d'Anne Perroche. Oui, ça partait bien du côté du CEA, avec cette demande de pré-rapport. C'est d'ailleurs ce que le CNRS aussi reprendra maintenant. Voilà, on demande rapidement à des experts leur point de vue pour savoir s'il faut aller plus loin. Ça partait bien aussi parce que ils ont eu accès, le CEA a récupéré les disques durs des laboratoires, et du coup c'est plus facile de voir si une image est trafiquée quand on a les fichiers sources. Donc ça partait bien, mais patatras, si on peut dire, la deuxième phase devait donc réunir un comité d'experts pour auditionner les différents co-auteurs. Et le CEA a en même temps, même juste précédemment, convoqué Anne Perroche pour un entretien avec les ressources humaines, comme on dit dans les entreprises, préalable à licenciement, c'est-à-dire entretien qui pouvait conduire au licenciement. C'est-à-dire que, et en même temps, la procédure plutôt d'expertise scientifique était lancée. Résultat, ou en tout cas coïncidence, Anne Perroche est en arrêt maladie depuis janvier et n'a jamais été auditionnée par la commission d'experts qui a auditionné les autres, a conclu qu'il y avait effectivement des problèmes et confirmé les pré-rapports, mais il y a un problème sur qui est responsable véritablement. Et pour l'instant, il faut au minimum auditionner la principale intéressée pour comprendre un petit peu mieux qui a fait les fautes. A boy is a specimen of masculinity. That's biology. A girl is a specimen of femininity. That's biology. A girl is a scientific joy to a boy. And I'm a girl. And I'm a girl. And you're a boy. And I'm a boy. And baby, that's biology. When we touch our fingertips, electricity. Every time we touch our lips, biology. A boy has a positive reaction to the dark, likes to go and park. A girl has a negative reaction that is strong, but not for very long. A girl is a scientific joy to a boy. And I'm a girl. And I'm a girl. And you're a boy. And I'm a boy. And baby, that's biology. When we touch our fingertips, every time we touch our lips, biology. A boy really has to hold a girl in his arms to study all the charms. A girl has an obligation never to resist at a time like this. A girl is a scientific joy to a boy. And I'm a girl. And I'm a girl. And you're a boy. And I'm a boy. And baby, that's biology. Alors c'était Biology, c'était pétillant, sautillant par Sourané, ça fait du bien dans un sujet qui est un petit peu lourd quand même aujourd'hui dans la méthode scientifique puisqu'on parle de méconduite scientifique avec Pierre Corvol. Vous êtes médecin et chercheur en biologie, professeur émérite au Collège de France et vous êtes l'auteur du rapport sur l'intégrité scientifique remis en 2016 à Thierry Mandon quand il était secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. David Larousserie, vous êtes journaliste au Monde, docteur en physique et polytechnicien. Alors Pierre Corvol, votre rapport a permis de faire une sorte d'état des lieux pour savoir comment les opérateurs étaient équipés pour réagir par rapport à la méconduite scientifique. Et vous avez constaté en 2016 que il n'y avait pas grand-chose. Oui, j'ai fait un tour des grands patrons, des PDG, des grands instituts de recherche et des organismes de recherche d'une part, en les interviewant. Et d'autre part, j'ai envoyé à toutes les universités un questionnaire. On était un peu pressés, donc le questionnaire nous a quand même permis, je dirais, d'obtenir des résultats. Sur les 72 universités, j'ai eu 27 réponses, ce que j'ai trouvé catastrophique. Oui, c'est pas terrible. Non, exactement. Sauf que les gens des sciences humaines et sociales m'ont dit « Mais c'est formidable, t'as 33% de résultats », ce qui m'a laissé rêveur sur la manière dont les uns et les autres procédons. Voilà, et là, je me suis rendu compte que, oui, effectivement, il y avait... En matière de formation, qui était vraiment important, il y avait un effort qui avait été fait, indiscutablement, dans les grands organismes de recherche, c'était très variable, pour ne pas dire, en fait, très très insuffisant dans la plupart des universités qui avaient répondu. Il n'y avait pratiquement pas de structure dédiée à l'intégrité scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de référent intégrité scientifique, de cellule d'intégrité scientifique, comme il a été dit au départ, alors qu'il en existait déjà, certes, à l'INSERM, mais enfin, c'était vraiment très, très embryonnaire. Et puis, il y avait toute une réflexion à mener sur la typologie, qui est complexe, puisqu'on a vu, c'est tout un spectre depuis la fraude caractérisée, le fameux, nous appelons dans notre métier, le FFP, fabrication, falsification, plagiat, jusqu'à l'erreur, qui est une erreur quand même délibérée, la faute délibérée de manipulation, transformation, un peu les résultats pour les aménager et les rendre publiables. Donc, si vous voulez, tout cela était important à voir. Et en même temps, en discutant avec mes collègues, je me suis rendu compte qu'il serait sans doute utile d'avoir une structure qui permette de réfléchir à l'ensemble de ces questions, qui soit dégagée, je dirais, d'un organisme de recherche ou de l'université. Et de là, après en plus, le petit tour d'horizon que j'ai pu faire à l'international, l'idée de créer un office français d'intégrité scientifique, qui est différente de l'office américain de qui s'appelle LORI, Office of Research Integrity, dans la mesure où en France, il n'y a pas de traitement pénal de la faute en matière d'intégrité scientifique, à l'exception du plagiat et ceci pour des questions de copyright et de propriété intellectuelle particulière aux œuvres de l'esprit. Mais si vous voulez, on a décidé avec Thierry Mandon qu'il était préférable de rester à la tradition française et non pas d'inculper en fin de compte au niveau pénal. Il y a pas de cadre juridique pénal, hein, qu'il faut que ce soit bien clair. Donc on a créé cet office qui est indépendant, qui est un des départements de l'HCERS, le Haut Comité pour l'évaluation de la recherche et l'enseignement supérieur, avec, je crois, toutes les garanties d'indépendance et de fonctionnement parfaitement autonome, avec Olivier Le Gall, qui est à l'heure actuelle le président, et Joël Alnaud, qui est le directeur de cet office et qui a du travail, beaucoup de travail. Mais je peux déjà constater que en l'espace de 2 ans, 18 mois même, on est passé d'un nombre de référents intégrité scientifique qui devait être la quarantaine à plus de 80. Et aussi, et ça c'est fondamental, le fait que l'enseignement de l'intégrité scientifique, car ça s'enseigne, contrairement à ce que les gens pourraient croire, et de la déontologie et de l'éthique, soit maintenant obligatoire dans le cursus doctoral. Alors l'office a été créé en 2017 et actuellement, fin 2018, c'est le CNRS qui se dote d'un instrument pour statuer sur les cas de méconduite scientifique. Il a mis en place, le CNRS, un bureau d'intégrité scientifique qui devrait coordonner les affaires de manquement. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous avez rencontré le référent de ce bureau d'intégrité, Rémi Mosséry. Vous l'avez rencontré au siège du CNRS. Et oui, le CNRS va en finir avec la fraude, Olivier. Depuis les derniers scandales, le plan CNRS était très attendu. Et en août dernier, Antoine Petit, son président, a nommé un référent à l'intégrité scientifique. Il s'agit donc de Rémi Mosséry, qui est physicien de formation et par ailleurs membre du comité d'éthique du CNRS. Il sera assisté dans sa mission d'un bureau de 5 personnes, des experts de domaines différents pour couvrir l'ensemble des sciences. En pratique, le bureau est ouvert à tous. Toute personne ayant des soupçons fondés, avec des arguments solides, sur le cas de méconduite pourra se prononcer, mais attention, pas de manière anonyme, toute demande anonyme sera refusée. Néanmoins, la confidentialité et la transparence totale sera garantie dans le traitement des prochaines affaires. La mission à l'intégrité scientifique a 2 tâches principales, une tâche de prévention et une tâche de traitement des allégations d'inconduite scientifique. Donc, comment les choses vont fonctionner ? Donc, en fait, on va mettre en place un bureau d'intégrité scientifique. Donc, je serai le référent, celui qui recevra toutes les allégations, et avec l'aide du bureau qui complétera mes connaissances scientifiques. C'est-à-dire que dans le bureau, il y aura quelqu'un du domaine des sciences humaines, de la biologie, des sciences du numérique, vous voyez, en plus de ce que moi je peux connaître. Alors je précise que nous ne recevrons pas d'allégations anonymes. Et en contrepartie, je pourrai assurer la confidentialité jusqu'au président du CNRS. C'est-à-dire que si la personne qui fait l'allégation me demande la confidentialité, eh bien je pourrai l'assurer. En pratique, comment ça se passe quand on veut mettre en lumière un cas qui nous paraît suspect de manipulation des données, de falsification de résultats ou de biais à la publication ? Il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de demander à des experts. Donc en fait, il y aura 2 types d'enquêtes. Soit le bureau d'intégrité scientifique pense qu'il peut mener l'enquête en s'adressant individuellement à des experts, et en leur transférant le dossier et en analysant les réponses des experts qui seront donc appelés de façon indépendante. Soit on pense que il faut constituer une commission d'experts ad hoc dans laquelle les gens discuteront entre eux, éventuellement se rendront sur place, demanderont par exemple avoir des cahiers de laboratoire, etc. Donc il y a deux types de fonctionnement. Et dans les deux cas, il s'agira d'experts du domaine. Et toujours, nous ferons extrêmement attention, dans la nomination de ces experts, nous ferons très attention aux questions de liens et de conflits d'intérêts potentiels pour les éviter, bien sûr. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu 2018, enfin la fin de l'année 2018, alors que des cas de fraude sont avérés depuis déjà pas mal d'années? Alors, il y a un dispositif qui se met en place depuis 2-3 ans et qui, un moment important, ça a été le rapport produit par le professeur Corvol, qui suggérait qu'il y ait effectivement, chez tous les opérateurs, la mise en place de référents intégrité scientifique. Ça ne veut pas dire qu'avant, les cas d'inconduite n'étaient pas traités. Ils étaient traités, par exemple, au niveau des instituts du CNRS. Mais ils étaient, voilà. Et ce qu'on essaye de faire maintenant avec cette mise en place des références, c'est de le faire de façon plus claire, avec un affichage vers l'extérieur des procédures, donc une transparence sur ces procédures. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est la chose suivante. Une allégation, elle n'est pas portée contre une personne, elle ne devrait pas être portée contre une personne, mais elle est portée contre une publication scientifique. Il peut y avoir plusieurs co-auteurs qui peuvent appartenir à différents opérateurs. Donc il est important qu'il y ait une forme de cohérence, de procédure à appliquer entre les différents opérateurs. C'est pour ça qu'on discute au sein du réseau des référents intégrité scientifique, qui est aussi, je crois, une des suggestions qu'il y avait dans le rapport Corvol. Comme vous le dites, une équipe, c'est jamais une personne isolée, c'est souvent pluridisciplinaire, ça mobilise plusieurs équipes sur des projets de recherche, par exemple européens, qui bénéficient de fonds européens. Comment, là, on peut agir en cas de mauvaise pratique? D'abord, moi, mon rôle, c'est de fournir au président-directeur général du CNRS un rapport pour essayer de qualifier des faits, savoir s'il y a réellement eu inconduite, préciser le type d'inconduite, éventuellement si je peux essayer de préciser qui est responsable et à quel niveau de responsabilité entre les différents co-auteurs. Voilà, ça c'est. Et moi, mon rapport remonte au président. Les suites, qu'elles soient de type disciplinaire en interne au CNRS ou bien de la nécessité d'informer les agences de financement des travaux, ne dépendent pas de moi. Ce n'est pas mon travail à titre personnel. Est-ce que vous espérez que vos actions à travers ce nouveau bureau d'intégrité scientifique va permettre d'agir davantage au niveau de la prévention que de l'aspect punitif? L'aspect prévention, on le mène en parallèle. Moi, j'ai déjà beaucoup d'invitations à aller soit aux écoles doctorales, rencontrer les directeurs d'unités, les chercheurs, etc. Donc, il y a une prévention qui se fait par un contact direct. Il y a un travail avec le DRH du CNRS en termes de formation permanente. Après, si vous me demandez si le traitement des allégations aura un effet bénéfique sur le fait qu'on ait moins de cas à traiter, ben je l'espère, mais ça, je peux pas vous en faire la promesse. Un point assez important dans le plan d'action qu'on a donné, c'est la question de l'accompagnement des personnes accusées à tort pour les aider, le cas échéant, à restaurer leur réputation. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a été plagié, mais le temps que la réparation arrive, eh bien, cette personne, ça peut durer des années. Ça peut être aussi une personne qui est accusée à tort de fraude, et puis vous savez comment ça se passe, il n'y a pas de fumée sans feu, sa réputation est entachée. Donc si la conclusion de mon enquête, c'est que la personne a été accusée à tort, ou bien qu'elle a été effectivement victime d'un plagiat, il y aura un document du CNRS envoyé à cette personne précisant cela. Et donc cette personne après peut en faire usage comme elle le veut, par exemple pour sa carrière, ses titres et travaux. Donc vous voyez, il y a une forme de symétrie. Si on pense qu'une personne est coupable de méconduite, et bien il peut y avoir une suite disciplinaire. Si on pense qu'elle est innocente, il faut aussi que le CNRS prenne ses responsabilités pour le lui faire savoir. David Larousserie, ce bureau à l'intégrité scientifique, il est lancé par le CNRS 2 ans après le rapport Corvol. Attendre 2 ans, c'est long en l'espèce, d'après vous? Oui, c'est long parce que surtout d'autres organismes l'avaient déjà fait. C'est pas non plus extraordinaire comme plan et comme décision. Bon, il se trouve que les périodes pendant lesquelles il y a eu cette attente étaient pour le CNRS plutôt troublées. Donc voilà. Puis il y a eu un changement aussi de PDG. Direct, donc bon, il y a peut-être des bonnes excuses à ça. Mais bon, il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur le plan, parce que ce que certaines histoires ont révélé, c'est des faiblesses des procédures précédentes qui étaient en fait réalisées au cas par cas. Donc, par exemple, la question de l'anonymat est un problème parce que on voit que c'est grâce à l'anonymat que des affaires ont été révélées. Parce que là, France, le CNRS dit on ne traitera pas les affaires qui sont anonymes, qui sont désignées de façon anonyme. Oui, mais alors, c'est un petit peu, il y a une petite hypocrisie, c'est parce que par exemple, un chercheur qui constaterait que sur Peupir, un collègue est attaqué. Pourrait lui-même saisir le référent intégrité et dire « Ah, ben, je constate que mon voisin ou un collègue d'un autre laboratoire est attaqué sur Peupir, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est parce que je suis troublé ou parce que ça me gêne ou parce que c'est scandaleux, etc. » Et donc, ben là, le référent intégrité sera obligé de lui répondre. Donc, d'une manière indirecte, ils vont être obligés de faire attention à Peupir. De même, ce qui a été dit, c'est aussi très important sur le fait que si quelqu'un est innocent, alors le CNRS le fera savoir. Le problème qu'il y a, c'est que sur Peupir, par exemple, je le disais tout à l'heure, des gens peuvent être accusés et on n'a pas de réponse. Bon, alors là, si la personne est finalement blanchie par le CNRS, elle devra rétablir sa réputation et donc intervenir sur Peupir. Or, le CNRS refuse de toucher à Peupir. Il ne répondait pas à Peupir. Donc là, on se trouve dans une petite ambiguïté. L'autre problème qui est mal réglé, selon moi, par ce plan, c'est la transparence et la publicité sur les enquêtes qui seraient faites. Donc, s'il y a enquête, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'assez important, disons, à regarder, qui mobiliserait donc des experts comme M. Corvol l'a rappelé dans une autre affaire. Bon, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, les rapports que ces experts vont donner sont aussi importants, finalement, que les décisions ou les conclusions auxquelles ils arrivent. Et là, le CNRS explique que ce qui sera rendu public, c'est les sanctions ou une partie du rapport, on ne sait pas trop en fait. Lorsqu'ils ont exposé ce plan, ils n'étaient pas encore sûrs. Or, c'est vraiment très précieux les quelques rapports auxquels on a pu avoir accès, soit parce qu'ils ont été rendus publics, soit parce que ils ont été fournis par des sources diverses. Ils renseignent beaucoup sur ce qui s'est fait dans les laboratoires et c'est important en fait pour la science parce que on arrive à des choses un petit peu difficiles à comprendre pour le public. Ça a été cité tout à l'heure, mais vous avez des papiers rétractés qui sont très cités. Alors on explique qu'à rétracter, c'est pas bien parce qu'il y a eu fraude, et d'un autre côté, c'est très cité, ça veut dire c'est très bien parce que le résultat est important. Alors, allez expliquer ça au public. Oui, c'est pas évident. Oui. Alors que là, un rapport permet de mieux peser les fautes, qui les a faites, quelles sont les conséquences, etc. Donc, ces questions restent encore un petit peu malheureusement ouvertes par la nouvelle procédure du CNRS, je pense. Pierre Corvol, votre réaction, c'est chouette, on m'a écouté. Oui, mais je me rends bien compte de tout le travail qui reste à faire. Hein. Par exemple, sur la transparence, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a des progrès à faire. Plus on sera transparent, et mieux ce sera. D'un autre côté, pour avoir vécu de près avec mes collègues qui ont fait des rapports sur l'affaire Perroche, par exemple, qui sont des rapports lourds de conséquences, je vois bien, si vous voulez, le travail que cela a demandé, et en même temps, je dirais que pour eux, la transparence n'était pas quelque chose d'évident au départ. C'est une culture qu'il faut qu'on acquiert. Si on charge trop aussi les évaluateurs, on va se retrouver dans une situation telle que on va se trouver démunis d'évaluateurs pour enquêter sur une question potentielle de fraude. Donc j'ai une certaine crainte qu'en chargeant un peu la barque, finalement, on aboutisse à quelque chose qui soit contre-productif. De la même manière que, comme au tout début de l'émission, on disait que c'était un métier que d'être un évaluateur référé d'un papier, étant donné la complexité des papiers à l'heure actuelle, je ne souhaite pas que, les il y a une si grande charge, je dirais, sur ceux qui vont être en charge d'établir un rapport sur l'intégrité scientifique ou non de tel papier ou de tel auteur. Alors, en tout début d'émission, j'ai aussi posé la question, et c'est dans le titre, de la biologie. Est-ce que la biologie est, pour une raison ou pour une autre, plus sujette à des actes de méconduite scientifique, Pierre Corbol? D'abord, il y a plus de biologistes que de mathématiciens. Deuxièmement, je dirais que les mathématiques, la physique, ça se fait à partir de faits plus facilement vérifiables, rapidement. Il peut y avoir des lois en physique, par exemple, et à ce moment-là, elles peuvent être adaptées, certes. Mais enfin, on est quand même dans une science où, je dirais, il est relativement plus simple de faire la preuve de ce que l'on avance. Tandis qu'en biologie, souvent le public ne le comprend pas, et encore plus en médecine, il y a une variabilité qui tient de très nombreux facteurs, on ne peut pas le définir en un mot, mais c'est vrai que ceci laisse une certaine, je dirais, possibilité de, voilà, d'améliorer, entre guillemets, les résultats, pour ne pas parler des grandes fraudes, mais de ce qu'on parlait tout à l'heure, à savoir l'amélioration, l'embellissement des résultats. C'est plus facile à faire en biologie. En même temps, il y a une compétition qui est absolument farouche, une communauté qui est très large. Et qui est un pouce au crime. Et que, bah oui, quelque part, il faut bien arriver à publier pour avoir un projet accepté, publier pour son équipe, pas uniquement pour soi, mais le aussi pour soi. Voilà. Tout cela est exact. Tout cela est exact. Donc, pour moi, les solutions ne viennent pas uniquement de la du traitement plus ou moins rigoureux. Oui, c'est une chose, mais pour moi, c'est une autre culture. Celle de l'évaluation, j'y reviens encore, et ça, c'est un sujet qui n'est pas abordé de face tout le temps, il le faut. Celle de la science ouverte, celle de la science participative. Pour moi, il y a d'autres facteurs qui permettront d'améliorer, je dirais, la confiance auquel vous insistiez au début de l'émission en la science. Confiance qui n'est pas aussi catastrophique qu'on le dit quelquefois, mais enfin... Non, parce qu'il faut rappeler d'ailleurs que là, on parle de cas de fraude scientifique, mais l'écrasante majorité des chercheurs et des scientifiques travaillent convenablement. Tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. David Larousserie, sur les particularités de la biologie, qui, je crois que vous avez fait un papier dans Le Monde qui était titré là-dessus, hein, est-ce qu'il y a un problème avec la biologie en France ? Oui, à partir de ces cas particuliers. Et non, il y a des choses intrinsèques qui font que peut-être il peut y avoir plus de problèmes, mais ces questions d'inconduite, elles posent une question un petit peu sociologique aussi. C'est vrai que les gens, même si le système est poussé au crime, tout le monde ne sombre pas dans cela, et ça crée aussi des frustrations de voir que certaines équipes font et refont des expériences, passent du temps, etc., alors que d'autres, du coup, s'affranchissent de certaines règles et vont aller plus vite, vont avoir des publications peut-être meilleures, des dossiers meilleurs, en ayant triché, mais pas en, peut-être pas gravement, mais en ne respectant pas les règles que la communauté s'était elle-même donnée. Donc ça, c'est quelque chose d'assez délicat à gérer quand même, ce sentiment. Souvent deux poids, deux mesures. Alors il y a plutôt pour l'aspect des sanctions, mais parfois on compare ça au dopage dans le sport. C'est vrai que le sportif qui se dope pas peut être un peu démoralisé et déçu de voir que d'autres tricheurs arrivent avant lui et qu'il n'y a pas de sanctions, ou que les gens disent oui mais tout le monde le fait alors que c'est pas vrai. Donc c'est sur le plan de la communication ou de la gestion humaine de ces affaires, c'est quand même assez délicat. Après, pour être un petit peu optimiste aussi, de plus en plus, Monsieur Corvol l'a rappelé avec la notion de science ouverte peut-être, les référis peuvent demander ou on les force à regarder les données brutes des résultats, ce qui permet de voir si vraiment les images ont été touchées ou pas. Retourner vers les données brutes, ce sont sur ces mots que nous terminons la méthode scientifique du jour. Nous étions avec Pierre Corvol et David Larousserie. Merci à vous. Merci à l'équipe de la méthode scientifique. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen et Tom Amdenstock. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique, Pierrick Monsigny. Demain, eh bien, ce sera place à la fiction. Vendredi fiction, nous allons explorer la planète des singes, puisque cela fait 50 ans que le film avec Charlton Heston est sorti en salle. Qu'en reste-t-il? On le verra demain. Et nous, eh bien, nous nous retrouvons demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.